texte torride. Arrête tes fake stories, Patrice qui a pas que la rage dans mes écrits, je dépasse comme une perte. Personne m'a sainte dans la rue malsaine. On prend du pif dans la street, on lâchera pas l'assassin. Trop de seum mais ça sent, nique sa mère la censure. Et tout ce qui s'ensuit, les textes en guise de marceur. C'est la marceur pour ceux qui nous croyaient morts. À force de voir nos amis morts, ça nous a mis mort. Quand on rap c'est mortel, hey, choisis tes armes et Inch'Allah en paix. Repose sur nos amis, dis-moi que tu blâmes. Nous on fait ce qu'on a à faire, y'a rien à faire. Nos petits frères aussi feront la guerre. Pas de morale que des conseils, hey, sur du gros son. On sait comment c'est, du sale comme on son. Mais comment ça, ils disent tous ray. On reste authentique au tap comme une puce balourde qui pète pas. J'rappe, mais j'pète pas, j'pète pas. Plus haut que mon cul, c'est pas son trône enfoiré. J'veux poser mon cul. Ah ouais ma gueule, ah ouais ma couille, ah ouais ma caille. Mais tu perds ton easy pillard ou high-cal. Faut changer de fréquence, j'suis pas sur la bonne station. Kiffe le son, ray, apprécie la prestation. Le rap vient de la rue n'est pas mise en avant. On m'a dit que le rap c'était mieux avant. Vu la mentale qu'il y avait, on reconnaît plus un bonhomme de nos jours. À sa sortie d'y avait, mais au beat qu'il a sucé ou qu'il sucera. À croire qu'il faut rapper la bite à l'air pour avoir du succès. Sucé, moi j'ai pas faire, j'ai pas que j'laisse aux autres. J'représente les notes, j'lève mon verre à la vote. Ouais, Comment ça, tu...